Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamozo pour 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loulas quotidienne de 18h à 19h sur Radio Gamozo 107 FM. Et pour cette édition de ce soir, on a une émission centrée sur les enfants, sur les vacances, il me semble aussi, et bien entendu sur le Centre des Tronches qui organise demain, donc mercredi 25 juillet, si je ne m'abuse, une fête des enfants. Donc j'ai dans mon studio toute une petite équipe. J'ai face à moi, donc de ma gauche à ma droite, Mélanie, Ludo, Sylvie, Ethan et Terry. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, on va peut-être laisser tout le monde se présenter tour à tour parce qu'on a des profils assez divers et variés. On a des personnes qui viennent du Centre des Tronches, on a quelqu'un du Secours Populaire vu que le Secours Populaire participe aussi à l'organisation de... Oui, ah d'accord, c'est le Secours Populaire qui organise. Il ne faut pas avoir peur de parler dans le micro et de me... Je ne veux pas vous interrompre, j'interviendrai après. Il faut me dire tu, Sylvie. Et donc on a le Secours Populaire et on a bien entendu des enfants, vu que qui dit Centre des Tronches dit enfants. Donc on va peut-être laisser un petit peu tout le monde se présenter pour qu'on sache un petit peu qui est qui. Est-ce qu'on laisse peut-être les enfants se présenter en premier? Oui. Bah allez, je t'écoute Terry. Bonjour, c'est Terry. Je viens de Metz et je suis dans la colonie des Tronches, village d'enfants copains du monde. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Ethan. Je suis originaire des Antilles, plus précisément de Saint-Martin. Et je viens des Tronches. Oui. Ensuite, j'ai bonjour, je suis Sylvie. Je travaille donc en tant que bénévole au Secours Populaire Français à la Fédération de la Moselle et nous organisons cette année, pour la quatrième année, un village copain du monde qui se déroule au Centre des Tronches. Le Centre des Tronches géré par les éclaireurs de France étant notre prestataire de service. Donc la fête des enfants, c'est la fête des enfants du village copain du monde qui se déroule dans le Centre des Tronches. Ah bah dis donc, je commence à en apprendre un petit peu plus. On va revenir tout doucement sur le village copain du monde. Une fois qu'on aura présenté tout le monde, vu qu'il reste encore deux, Ludo et Mélanie, je vous écoute. Et bah comme dit, moi c'est Ludo, je suis donc le directeur du village copain du monde. C'est la deuxième année consécutive où je travaille aux Tronches pour accueillir donc les enfants français et délégations étrangères parmi nous. Et puis bonsoir, moi c'est Mélanie, et je suis animatrice sur la colo et je suis venue de Rennes, voilà, jusqu'ici. Ah tu es venue de Rennes? Oui. Voilà. Bon bah bonjour la Bretagne qui nous écoute peut-être, bien entendu aussi bonjour les Vosges et bonjour l'Alsace qui nous écoute aussi, ou bonsoir plus précisément vu l'heure. Enfin voilà, et donc comme je le disais, si vous êtes là ce soir, c'est pour parler d'une fête qui a lieu demain, la fête des enfants, d'après ce que Sylvie m'a dit, vu que tu as très bien fait de rectifier ce que je dis, bah forcément à l'antenne ça arrive que je dise des bêtises, hein, on est tous des êtres humains. Donc d'après ce que j'ai compris, en effet, c'est le Secours Populaire qui organise cette fête des enfants en lien avec le village copain du monde. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est ce village? Alors, C'est le Secours Populaire qui est à l'origine de l'organisation de ce village, mais le prestataire de service, c'est les éclaireurs et notamment le directeur du village Ludo à côté, qui est embauché par les éclaireurs pour mener à bien toute l'équipe des animateurs qui font un boulot extraordinaire et tout ça. Alors, un village copain du monde, c'est un séjour de vacances un petit peu particulier où des enfants venus à la fois du coin, hein, d'ici, et puis de n'importe où dans le monde, partage un temps de vacances avec des activités sportives, culturelles, mais aussi solidaires. L'idée, c'est que... Mais je ne veux pas être trop longue. L'idée, c'est que les enfants, s'ils prennent l'habitude très tôt de rencontrer des copains venus de partout dans le monde, ils n'auront pas cet a priori qu'on peut avoir vis-à-vis de cultures différentes. Ils pourront ensemble se découvrir, faire des tas de choses et avoir envie de s'intéresser à des choses qui leur sont a priori étrangères. Parce que j'imagine le but de ce village copain du monde, alors déjà tu l'as dit, faire tomber des a priori qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que quand on reste un peu tout seul dans son coin, on en a forcément. Et donc j'imagine que c'est aussi dans l'optique d'une ouverture culturelle, ou peut-être, oui, ouvrir aussi les horizons des enfants pour en faire des adultes de demain plus ouverts. Alors c'est non seulement les rendre plus ouverts, mais... En fait, ce qui s'est passé, le Secours Populaire est une association humanitaire qui est très très ancienne, et il y a maintenant 26 ans, le président, qui sera d'ailleurs là demain pour la fête des enfants, le président du Secours Populaire à Paris, a eu l'idée de créer un mouvement qui s'appelle Copains du Monde, en se disant que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui feront le monde de demain, et que si les enfants d'aujourd'hui sont sensibilisés aux difficultés des autres, ont envie, parce qu'ils ont envie, les enfants, ils sont toujours très actifs, ils ont envie de faire plein de choses, mener des actions de solidarité, et ben on aura peut-être la chance de connaître un monde meilleur. On l'espère, bien entendu, et comme tu as dit, comme c'est pour façonner les adultes de demain, il y a forcément des activités, des choses qui vont dans une certaine optique. Je ne sais pas si les enfants ou même toi, vous pouvez me parler des différentes activités organisées pendant cette colonie village copain du monde. D'ailleurs, ça dure combien de temps en général ? Ça dure 15 jours, mais pour tout ce qui est activité, parce que là, pour le moment, j'ai mis en valeur le rôle du Secours Populaire, sachant que le rôle de l'équipe d'animateurs par Ludo est essentiel, et Ludo va pouvoir dire toutes les activités qui sont mises en œuvre et notamment les activités solidaires sur lesquelles on a travaillé. Voilà, comme le dit Sylvie, on a plusieurs types d'activités en fait. On a bien sûr, comme c'est une colonie de vacances, un séjour de vacances pour les enfants, on a des activités purement ludiques où les enfants peuvent s'amuser vraiment, ils vous diront eux-mêmes les activités qu'ils ont préférées, et on a aussi des activités, des projets solidaires. On a organisé cette année, samedi dernier, pour la première fois, une grande collecte de fournitures scolaires au centre commercial Leclerc à Saint-Étienne. Les enfants ont participé, ils ont fait une collecte de fournitures scolaires pour pouvoir équiper les enfants défavorisés de France mais aussi des Antilles, les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir les fournitures pour aller à l'école. Ils ont ramené un très beau lot de fournitures, un petit peu de sous aussi, les gens ont été plutôt généreux. On a vendu des calebasses qui sont originaires de Guadeloupe. Les enfants ont fabriqué des calebasses qu'ils ont vendues. Ethan pourra vous en parler. Et on fait pas mal de jeux, mais avec des visées pédagogiques. C'est-à-dire que derrière chaque jeu, derrière chaque activité, c'est réfléchi, c'est pour apporter quelque chose aux enfants. On travaille sur la coopération, on travaille sur la fraternité, l'entraide, le partage, la solidarité. Toutes ces valeurs qui sont chères au Secours Populaire, nous on essaie de les retranscrire dans les animations. Mais les animations, je pense que c'est Ethan et Thierry qui vont prendre la parole maintenant et qui vont vous expliquer ce qu'ils ont fait comme activité, ce qu'ils ont aimé. En effet, qu'est-ce que vous avez fait alors ? Ok, alors nous avons fait plusieurs activités et moi je veux parler de celle que j'ai préférée, c'était la chasse aux dahus. La chasse aux dahus. Ah oui, donc. La chasse aux dahus. En fait, le dahu, c'est une légende. C'est une créature qui vit dans la forêt. Qui se balade le soir en forêt. Donc nous, en colo, on était une trentaine d'élèves, on est partis dans la forêt, et ben on est partis à la chasse aux dahus. Vas-y, Thierry, continue. Je voudrais rejoindre Ethan sur la chasse aux dahus. C'est une des activités qui m'a plus marqué et que j'ai plus adoré, parce que on est parti en groupe, parce que on est parti en groupe, mais à chaque fois qu'on part, on a une sorte de réunion qui va nous parler de la journée, comme à l'école, on va dire. Et notre directeur Ludovic nous avait parlé de partage, d'entraide. Et quand on a eu la chasse au Daïm, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient paniquées parce qu'ils avaient peur, franchement. Parce que pour dire dans la forêt, il faisait vraiment nuit. On nous avait expliqué les sortes d'animaux qu'ils pouvaient avoir. On avait entendu beaucoup d'animaux. On l'avait vu trois fois avec deux animateurs, le Daïm. On l'avait vu trois fois. Donc après, j'ai repensé à ce qu'il m'avait dit Ludovic. Et j'ai consolé une personne qui était en train de s'effondrer parce qu'elle avait peur avec le noir et tout, donc voilà. Ah, j'imagine que ça doit être effrayant. Et tu l'as dit, tu l'as vu le Daïm? Oui, mais ça va être ma cinquième année, excusez-moi, dans cette colonie, donc voilà. Ça va être la deuxième fois que je vais à la chasse au Daïm. Et ça te plaît toujours? Oui, ça me plaît toujours. Tu as d'autres activités que tu as beaucoup aimées pendant ce village copain du monde? J'ai bien aimé l'activité, comment ça s'appelle? La ferme aventure. Mais explique ce que tu as fait si tu connais pas le nom. Quand c'était un sort de jeu de musique de Disney, et on devait chercher les noms pour marquer plus de points. Et une sorte de fureur, c'est voilà, la fureur. Voilà, le fureur. Aussi, j'ai beaucoup aimé parce que c'était un travail d'équipe, d'entraide, donc voilà. Et toi, Ethan, tu as une deuxième activité que tu as beaucoup aimée, mis à part la chasse au Daïm? Mis à part la chasse au Daïm, moi j'ai bien aimé le labyrinthe à la ferme aventure. Labyrinthe en forêt, je trouvais ça super, le travail d'équipe et tout. Par contre, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez dommage, c'est que je trouve que le travail d'équipe, les gens n'aiment pas trop ça en général. Ils n'aiment pas trop travailler en équipe. Du coup, quand ils sont dans l'équipe, ils essayent de plomber le travail. Ah, tu Mais penses? Bon, oui. Mais dans mon groupe, il y a personne qui me suis rapproché avec d'autres personnes. Je me suis rendu compte que finalement, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est tout. Ça, c'est une belle leçon qu'on peut tirer. En effet, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. Et j'imagine que c'est le but aussi des copains du monde. J'ai vu le sourire que Sylvie a fait. C'est vraiment essayer de rencontrer avec le plus de respect et d'attention l'autre, quel qu'il soit. Et dans les villages, c'est le quatrième que nous organisons cette année. Nous essayons de mélanger des gamins d'ici et du monde entier. L'année dernière, nous avions des enfants du Japon, du Népal, des Philippines, de Haïti. Et cette année, on voulait se réorienter sur un village plus européen, avec quand même toujours le partenaire qui est un partenaire très important pour nous, Haïti. Donc il se trouve qu'on a un village francophone, puisque nous avons des enfants qui viennent de Saint-Martin, de Guadeloupe, de Haïti, mais aussi de Belgique, et puis de la Moselle. Voilà. Donc il y a différents visages, et en effet tu m'as dit c'est la quatrième fois qu'il y a un village copain du monde aux Tronches. Est-ce que c'est aussi la quatrième fête des enfants ou ce sera la première? Chaque village se déroule un petit peu de la même manière. Ce sont des séjours qui sont extrêmement, très occupés. Mélanie pourra dire sa vision d'animatrice. Il s'y passe beaucoup, beaucoup de choses, puisque toute activité est un prétexte aussi à leçon de vie. Par exemple, pour les repas, les enfants mettent la table, sont amenés à participer à beaucoup d'actions et à décider de pas mal de choses. Et de manière générale, à la fin du séjour, nous proposons une fête des enfants qui est un spectacle auquel le maire de Saint-Étienne participe très très activement, parce que non seulement il vient, mais il offre un pot, il invite tous les élus locaux, on invite très largement, puisque notre président vient de Paris avec des partenaires qui viennent aussi de Paris. Donc c'est une fête des enfants organisée par les enfants, pour les enfants et les invités. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, s'il vous plaît? Mais je t'en prie. Faut me dire tu aussi. Moi, ce que j'aime bien dans cette colonie, c'est que quand on voit les enfants de hier, on va dire, qu'ils étaient, on va dire, allez, rebelles, parce qu'ils regardaient des choses pas très de leur âge. Et quand ils rentrent à la colonie, c'est que, en fait, dès qu'on sort, c'est pas la même personne, parce que, on peut voir les vidéos de l'année dernière, c'est que les enfants, dès qu'ils sortent, ils ont plein de projets en tête. Par exemple, les gens en Haïti, je me souviens très bien de leur phrase, ils disaient en Haïti ils peuvent pas voir tout le temps les pauvres souffrir, donc ils ont vendu des choses pour avoir beaucoup d'argent pour acheter des fournitures scolaires, construire un foyer pour les pauvres et les mettre à l'école. Donc quand on sort de ces colonies, on a vraiment des projets en tête pour aider notre quotidien, notre famille. Donc voilà. Et ces projets, on mettra l'accent dessus dans quelques instants, mais avant toute chose, on va s'écouter une première pause musicale, un morceau intitulé « C'est pour toi, Julien, des copains de Julien », enfin, je crois que c'est l'album « Les copains de Julien » par l'artiste Dominique Dimet. C'est toi, Ludo, qui a choisi ce morceau qu'on va s'écouter tout de suite, et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. C'est pour toi, Julien, qu'on chante ensemble cet air et ce refrain. Nous sommes tous tes potes, tes frères, tes gosses, tes amis, tes copains. À chacun de nous, tu as appris à se donner la main, à relever la tête devant la vie et à croire aux copains. C'est le combat de toute ta vie pour la solidarité, pour que les fragiles et démunis ne soient jamais oubliés. Toi, l'âme de boule résistant qui, pour le sourire des enfants, sans relâche a tracé le grand chemin du secours populaire. C'est pour toi, Julien, qu'on chante ensemble cet air et ce refrain. Nous sommes tous tes potes, tes frères, tes gosses, tes amis, tes copains. À chacun de nous, tu as appris à se donner la main, à relever la tête devant la vie et à croire aux copains. Nous porterons toujours avec toi tes valeurs, ta tolérance, et jamais nous ne baisserons les bras quand revient l'indifférence. Toi, l'âme de boule résistant qui marche toujours droit devant, pour nous tous a ouvert en grand le cœur du secours populaire. C'est pour toi, Julien, qu'on chante ensemble cet air et ce refrain. Nous sommes tous tes potes, tes frères, tes gosses, tes amis, tes copains. À chacun de nous, tu as appris à se donner la main, à relever la tête devant la vie et à croire aux copains. C'est pour toi, Julien. Cet air et ce refrain, nous sommes tous tes potes, tes frères, tes gosses, tes amis, tes copains. À chacun de nous, tu as appris à se donner la main, à relever la tête devant la vie et à croire aux copains. Nous sommes tous tes potes, tes frères, tes gosses, tes amis, tes copains. Et vous Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau C'est pour toi, Julien, de Dominique Dimet, de l'album Les Copains de Julien. On est toujours avec Mélanie, Ludo, Sylvie, Ethan et Terry du Centre des Tronches et du Secours Populaire pour parler de la fête des enfants qui a lieu demain. Ça, c'est quand on parle trop vite, hein, qui a lieu demain après-midi, donc mercredi 25 juillet de 14h à 17h. Et si vous voulez réagir à l'émission sans aucun problème, vous pouvez nous appeler au 03 29 62 40 40 ou nous envoyer un petit message sur la page Facebook Radio Gamozo. C'est avec plaisir qu'on prendra en compte vos petits coucous, vos petites remarques. Vous le savez, vous l'avez l'habitude, c'est toujours possible. Le morceau qu'on a écouté, hein, C'est pour toi Julien, c'est pas un choix anodin, si j'ai bien compris, c'est par rapport au fondateur du Secours Populaire. Et d'ailleurs, Terry, qui en a beaucoup entendu parler, voulait peut-être parler de ce personnage qui a beaucoup, beaucoup de choses à raconter. C'est bien ça, Terry? Oui. Donc, Julien a été un résistant face aux Allemands. Il a été emprisonné par Hitler, et les Allemands. Il avait vu ses amis se faire tuer, fusiller. Et voilà, donc c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Au moment où on allait le tuer, il avait réussi à s'enfuir. Et quand il est sorti de la prison, il s'est dit, je dois créer quelque chose ou aider Harry. Je dois créer quelque chose pour la France et pour le monde entier. Donc il a créé le Secours Populaire et ça fait maintenant 70 ans qu'il est président du Secours Populaire. Et comme il est en fin de vie, donc ça sera un des derniers hommages qu'on pourra lui rendre. En effet, tu l'as peut-être pas encore rencontré, j'imagine, mais si, l'année dernière. Ah oui, déjà. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est pas ton premier village copain du monde aux Tronches. Et donc oui, c'est un personnage qui t'a inspiré beaucoup. Une personne, tout simplement, vu que c'est quelqu'un qui existe et dont il faut en effet saluer le parcours et le travail, vu qu'en effet, il a créé le Secours Populaire. Après tout, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Et voilà, vous êtes cette fête des enfants, vous l'avez dit, Julien sera invité, c'est bien ça, Sylvie? Tout à fait, il vient de Paris avec des personnes avec qui il travaille, dont notre partenaire haïtienne, et puis un médecin libanais qui fait partie du Secours Populaire et qui s'occupe de l'action internationale. Donc ils seront là demain pour voir cette fête qu'ont préparée les enfants avec les animateurs. Et ça me semble tout à fait idéal de passer la parole à Mélanie, puisqu'elle les a entraînés pour faire des tas de choses et elle peut parler de son rôle d'animatrice sous le regard bienveillant de Ludo. Tout à fait. Non, c'est un rôle qui est vraiment important. Ça demande beaucoup, vraiment beaucoup. Et puis on fait vraiment tout notre possible pour faire plaisir aux enfants, leur donner de la joie, les entraîner, leur apprendre des choses. Pour les plus jeunes, leur apprendre le quotidien, en fait. C'est très prenant, mais bon, voilà. On partage vraiment de bons moments. Tous les soirs, on se couche, on fait quand même. On est fatigué, on est épuisé, on se dit tous oh, ils sont quand même mignons, hein, ils vont nous manquer. Enfin, voilà. On est déjà triste, on y pense déjà. Oh mon Dieu, on va pleurer. On se dit ça tous les soirs avec les filles dans la chambre. C'est génial. Moi, c'est ma première expérience. Du coup, je découvre. C'est génial, ça me plaît beaucoup. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut donner beaucoup de sa personne et c'est vraiment bien. Voilà. Et toi, tu es sur des activités plutôt sportives, plutôt culturelles, plutôt calmes. Quel genre d'activités tu organises? Tu les organises ou tu fais que les appliquer? Non, j'en ai organisé quelques-unes, mais là, sur la musique qu'on vient d'écouter, on a fait une petite chorégraphie avec des voiles, en fait, avec les enfants. Après, on a préparé aussi des solos en danse et puis des duos. On a des groupes de danse, c'est plus la danse du coup. Et c'est vrai qu'après, pour le soir, pour l'éveiller, je suis plus dans la relaxation quand même. Moi, c'est beaucoup plus calme ce que je fais. Voilà. Oui, et donc, cette colonie qui dure 2 semaines, comme Sylvie l'a dit, vous avez vraiment, depuis le début, préparé la fête des enfants ou c'est venu un tout petit peu plus tard? Non, on y avait déjà pensé. Et petit à petit, en fait, on la prépare, on leur a fait écouter des musiques. Voilà, on leur demande de préparer des choses, d'y penser. On les accompagne dans leur création, en fait. Voilà, on essaie de ne pas leur imposer, en fait. On prend vraiment part de ce que les enfants ont envie de faire, en fait. Oui, je complète. On a fait un programme, en fait. On a commencé dès le début du séjour, où on a commencé le premier jour par les enfants. On fait une grande chasse au trésor. La chasse au trésor, donc, qui apparaît comme un jeu purement ludique. Et en fait, derrière ce jeu, se cachaient, ils ont découvert les 10 droits des enfants. Donc le droit de l'enfant, ce sera le thème du spectacle de demain. Les enfants ont préparé 10 scénettes, 10 petits sketchs, qui représentent donc les 10 droits de l'enfant. Et ils vont nous présenter tout ça demain, entrecoupés justement de pauses musicales, de danse, de chant. On a des délégations de Saint-Martin qui vont nous faire une danse traditionnelle de Saint-Martin. On a la délégation de Guadeloupe qui nous a fait découvrir un plat traditionnel de Guadeloupe qui est les boquites. C'est vraiment un moment de partage et d'échange. Et on a essayé d'intégrer ça tout au long du séjour, mais sans que ce soit vraiment formel, justement. C'est des petites activités ludiques avec une portée derrière, avec un objectif pédagogique. Alors, je voudrais ajouter que non seulement il y a Ludo et toute son équipe d'animateurs qui font un travail remarquable, mais il y a aussi des bénévoles. Je voudrais parler surtout de deux bénévoles du Secours Populaire à Metz. Oui. L'une qui est la référente Copain du Monde sur le village et qui n'a pas pu y rester toute la durée parce que par ailleurs elle travaille, mais qui a aidé aussi à mettre en place des actions, les ateliers sur la solidarité qui ont été tout à fait bluffants. À partir de 3 questions, on demandait aux gamins de se positionner par rapport aux questions de ce qui les rendait heureux dans le monde ou ce qui les rendait malheureux, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, et on a eu des réponses tout à fait étonnantes. Donc il y a donc Colline qui est la référente et qui a passé quelques jours, et une autre jeune femme, Lydia, qui elle est elle est d'origine albanaise. Elle n'est en France que depuis presque 2 ans là maintenant. Elle parle bien français, elle fait des choses tout à fait étonnantes en tant que bénévole au Secours Populaire, et c'est une des choses un peu remarquables au Secours Populaire, c'est que souvent des personnes qui ont été bénéficiaires deviennent aussi des bénévoles. C'est le cas de Lydia qui fait un boulot remarquable. En effet, c'est une très belle chose. Et avant qu'on parle du programme de la journée de demain, en effet, tu l'as bien dit, ce serait peut-être bien de faire un point sur les bénévoles du Secours Populaire. Déjà, ne pas oublier de saluer le travail de tous les bénévoles. En effet, ils donnent de leur temps pour des causes qui leur tiennent à cœur. Et là, c'est le Secours Populaire. Toi, Sylvie, tu es bénévole au sein du Secours? Oui, mais... Dans la fédération de Moselle, il n'y a qu'une personne salariée qui a un travail énorme. Tout le reste, ceux qui s'occupent de la distribution alimentaire, de la distribution de vêtements et tout, toutes les autres personnes, et nous sommes très nombreux, je dirais 80, quelque chose comme ça, sont des bénévoles. Et pour l'organisation du village, si c'est moi qui m'occupe en effet de toutes les tractations avec les délégations étrangères et des choses comme ça, il y a pas mal d'autres bénévoles qui apportent une contribution pour récupérer des tas de choses qui feront des cadeaux aux enfants. Là, on a, y a une amie qui est graphiste, qui a contribué à la fabrication d'images, de choses comme ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui contribuent à la réussite de ces jours. Et si peut-être quelqu'un qui nous écoute a envie de devenir bénévole au sein du Secours Populaire, comment ça se passe? Il téléphone, mais nous c'est à Metz, donc il oui. téléphone et il a un rendez-vous avec l'une des bénévoles qui le reçoit, qui lui explique la structure, qui voit ce qu'il aimerait faire, ce que la personne aimerait faire, et puis après on voit comment on peut développer ça, mais surtout que les gens n'hésitent pas, il y a toujours des besoins. En effet, qu'ils n'hésitent pas, et on va pas hésiter non plus à se passer une deuxième pause musicale, sauf si tu as envie de rajouter quelque chose, Sylvie. Non, c'est non. Bon pour le moment. Donc on va s'écouter un nouveau morceau choisi par les enfants, cette fois du Neistro et Maître Gims, un morceau intitulé Bella Ciao. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasor. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes, oh mon amour. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, je t'en prie, pardonne-moi. À contre-cœur, oh bella ciao. La la la la la. T'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur du la la la la la la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh partigiano, portami via. E mi sento di morire. La la la la la, la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la la la la la la. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir à l'émission sans aucun problème, n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40 ou à nous envoyer un petit message sur notre page Facebook Radio Gémozo. On se fera un plaisir ou de transmettre vos messages ou même de vous répondre directement. Et oui, si je dis ça, c'est que vous pouvez toujours aussi interagir avec mes invités du soir. Donc Mélanie, Ludo, Sylvie, Ethan et Terry je vulgarise, hein, il y a le Centre des et le Secours Populaire pour la fête des enfants qui a lieu demain, voilà c'est ça hein, qui a lieu demain après-midi au Centre des Tronches en effet. Et, et le morceau qu'on a écouté à l'instant, alors c'est un morceau assez récent mais d'après ce que j'ai compris il n'a pas été choisi au hasard. Alors lequel des deux? Bah oui Thierry, si tu veux je t'écoute. Parce que la version originale était une des, c'est la meilleure musique de la chanson préférée. La chanson préférée de Julien, parce que la version originale est en italien et un de ses meilleurs amis qui a été fusillé par les Allemands était italien, donc voilà. Donc ouais. C'est un peu un chant de ralliement. Et est-ce que vous allez l'interpréter aussi pour le spectacle qui aura lieu demain? Oui. Mais bien sûr. Et comment vous allez? Vous allez le chanter? Vous allez le danser? Vous allez le mettre en scène? Un peu des deux. Les deux. Ben, on va danser, on va danser, on va chanter, on va essayer de faire danser les gens avec nous, de les ramener dans notre ambiance, donc voilà. Et en effet, en parlant d'ambiance, hein, si vous êtes là aussi, comme je le disais, c'est pour la fête des enfants, on a parlé un petit peu le pourquoi du comment, mais on n'a pas trop parlé de la programmation, savoir un petit peu ce qui va se passer demain. Alors, est-ce que vous pourrez me dire quels seront les grands enfants? Alors déjà, d'après ce que Mélanie a compris, j'ai compris qu'il y aura un spectacle, et Ludo a dit qu'il y aura aussi quelque chose en lien avec les droits des enfants, mais il faut faire un peu de Rubik's Cube dans ma tête, j'aimerais bien pouvoir tout mettre en place pour que moi et les auditeurs aussi puissent savoir exactement ce qui va se passer demain chez vous. Alors en fait la journée va commencer demain en fin de matinée. Déjà on accueillera les enfants du centre de loisirs de la ville de Saint-Étienne-et-Mermont pour créer un temps d'échange avec les enfants, ouvrir les enfants d'ici au, vers l'ouverture vers l'étranger, sur les jeunes qu'on accueille, discuter, voilà, voir les différents horizons qui se rencontrent. Ils partageront le repas avec nous. Ensuite ils assisteront à la fête des enfants. Alors la fête des enfants, il y aura plusieurs choses. Il y aura, comme on a dit, 10 droits des enfants qui sont représentés sous forme de scénettes, qui seront espacés, qui seront entrecoupés de chants. Les chansons donc du Secours Populaire, les chansons sur Julien, pour Julien, rendre un hommage à Julien, les chansons donc Bella Ciao, Le Copain du Monde, toutes ces chansons où les enfants ont répété, ils chantent, ils dansent, ils ont des chorégraphies, ils vont essayer, comme le disait Thierry, de mettre les gens dans l'ambiance avec eux. Et on a un petit spectacle de magie, on a des gens de Saint-Martin qui vont nous faire des danses traditionnelles, on a une présentation des délégations, toutes les délégations étrangères vont présenter leur pays, leur région, leurs spécificités, et tout ça, ben, ça va nous permettre de découvrir encore un peu plus tous ces gens. Voilà. Et ça se termine par un pot offert à tous les invités, offert par le maire de Saint-Étienne-les-Remiremont, qui est un partenaire tout à fait précieux et amical pour notre village Copain du Monde. Tu viens de parler d'invités, Sylvie. Dis-moi, cette journée, alors elle est faite par et pour les enfants, mais est-ce qu'il n'y a que les enfants qui sont invités ? Alors non, il y a les enfants, donc déjà du centre de loisirs de Saint-Étienne. Pour les enfants, c'est à peu près tout. On aurait bien aimé inviter aussi des enfants de l'IME, mais il n'y en a pas beaucoup, puisque la solidarité, ça passe aussi vers la reconnaissance de gamins qui ont ce genre de difficultés, voire de personnes adultes aussi. Nous avons invité des élus, c'est surtout Michel Demange qui a invité les élus locaux et même les élus de tout le département. Et puis nous avons invité des bénévoles du Secours Populaire de Metz et puis le président et les personnes qui sont avec lui de Paris. Et il y a peut-être aussi des personnes, oui, des éclaireurs. Il y aura aussi bien sûr une grande partie des bénévoles, des éclaireurs et éclaireuses de France qui seront présents aussi pour assister au spectacle des enfants. Et est-ce que si un auditeur se dit « elle a l'air chouette cette journée », est-ce qu'il peut passer vous voir aussi ? Ah mais tout le monde est bienvenu chez nous. Nous on est ouverts, donc justement c'est l'ouverture, donc on accueille tout le monde les bras ouverts. Dans ce cas, comment est-ce qu'on se rend au centre des tronches pour pouvoir aller vous voir ? Alors c'est compliqué parce qu'on est un petit peu perdu dans la nature. Nous, le centre des tronches, c'est ça qui est appréciable aussi, c'est qu'on est un peu excentré, on est sur les hauteurs de Saint-Étienne. Vous prenez votre GPS et vous tapez Cévelle les tronches, vous allez trouver à Saint-Étienne Mermiremont et le GPS vous guidera bien mieux que moi. En effet, bah, c'est... Je ne l'avais pas vu venir, mais pourquoi pas. Donc c'est toujours pour cette journée, mais comme je le disais, cette fête des enfants, c'est un point d'orgue à ce village Copain du Monde, mais vous avez fait plein d'autres actions, donc des activités, on a parlé juste avant, mais aussi d'activités solidaires. J'ai entendu parler un petit peu plus tôt de vente de calebasses. Ethan, tu peux m'en dire plus à ce sujet ? Alors, les calebasses, la calebasse, c'est un fruit à coque qui pousse dans un arbre, dans les pays chauds, donc des Antilles. Dans ce fruit se trouve une pulpe blanche qui n'est pas comestible, c'est-à-dire que si vous en mangez, vous êtes empoisonné et on peut avoir de gros problèmes après ça. Donc généralement on fait un trou dans la calebasse où on la coupe en deux. Quand on la coupe en deux, l'autre moitié on l'appelle le coui. Oui. On vide, on retire la pulpe à l'aide d'une cuillère, on gratte bien parce qu'il faut que tout sorte. On fait sécher la coque de la calebasse, généralement au soleil. Ensuite ça devient marron. Et généralement, on prend du matériel électrique qui nous sert à faire de la gravure dessus, mais également on peut peindre sur les calebasses. Et par contre, quand on fait de la peinture, il faut revernir après, parce que sinon la peinture, ça sort et c'est pas très joli. Et elles vont servir à quoi après, ces calebasses ? Sur le centre, là, les calebasses, tout le monde y a participé, on les a décorées, on les a peintes, on les a gravées. Et les groupes de la Guadeloupe... Moi, je n'ai pas pu y aller, malheureusement. On était à Leclerc pour les revendre. Et vous les avez fait vous-même, en fait ? Les calebasses étaient déjà séchées. D'accord. Mais... Il faut les décorer. Ouais, ouais, juste en fait, toute la partie décoration en fait. Les représentants de la Guadeloupe sont arrivés avec un stock de calebasse déjà séché, préparé, prêt à être travaillé. Les enfants ont fait toute la partie décoration, alors comme ils disaient, la pyrogravure, là, tout ça, la peinture, le vernissage, la confection, parce qu'ils mettent des colliers autour, ça sert c'est en pendentif, c'est des objets décoratifs, mais qui peuvent être pendentifs aussi. Une petite boîte à trésors en fait, c'est une petite boîte à trésors. Pour dire aussi que je dis, les enfants, en fait, on avait certains groupes parce qu'on ne pouvait pas tous aller, par exemple, au Leclerc. Donc voilà, on a fait certains groupes et des inscriptions. Donc jeudi, Ethan et moi, et notre groupe, Ethan va aller nettoyer la forêt parce que quand nous sommes venus ici à Radio Guimauzo, on a vu la forêt, on l'a vu vraiment sale. Donc le groupe d'Ethan va aller nettoyer la forêt pour la nature comme ça. Et moi et mon groupe allons également aider les personnes âgées, écouter ce qu'ils ont à nous dire dans des maisons de retraite et faire la journée avec eux. Donc voilà, discuter avec eux pour dire comment c'est, parce que voilà. C'est le faire une petite balade à vélo, il me semble. Voilà, c'est ça. On travaille, on est en lien avec l'EHPAD, le Home Fleury, et on a une action de solidarité justement qui consiste, les enfants vont aller accompagner les personnes âgées et dépendantes. Il y a une sortie en vélo qui est prévue par l'association Ballast. Les enfants vont accompagner les personnes âgées lors de cette balade, ils vont être responsables d'eux, ils vont veiller à leur sécurité. Après tout ça, on terminera par un goûter avec des gaufres où les enfants auront un temps d'échange avec les personnes âgées, avec justement une accordéoniste qui vient pour faire écouter la musique aux enfants, la musique que les personnes âgées aiment. Eux vont amener la petite enceinte, ils vont faire découvrir aux personnes âgées la musique qu'eux écoutent en ce moment. Donc voilà, ça va être un petit moment de discussion sur ce temps d'échange, sur les différentes musiques qu'ils écoutent selon les générations. Ça pourrait leur dire aussi que malgré que ce sont des personnes âgées, qu'il y a des personnes qui s'intéressent à eux, pour leur redonner le sourire quand même, parce que quand franchement dans une maison de retraite, c'est pas nul, c'est que parler tout le temps avec des vieux, ça commence vraiment à être ennuyant. Donc parler avec des jeunes, ça va peut-être leur rappeler des souvenirs, donc voilà. Donc ça va leur redonner le sourire, donc voilà. Peut-être si en effet, comme le disait Ludo, ça rentre dans le cadre des activités solidaires, donc avec la vente des calebasses, aller voir des personnes en EHPAD, vous avez fait d'autres activités solidaires et même peut-être des qui vous ont spécialement marqué ? Cette année, ça, je pense que c'est les seules qu'on a fait, mais l'année dernière, on en avait fait aussi, donc voilà. Et on prépare déjà celle de l'année prochaine. J'aimerais justement faire un atelier solidaire avec les jeunes de l'IME, justement. Ouais. On a rencontré des jeunes polyhandicapés. Je pense qu'on va travailler là-dessus pour la saison prochaine, faire un atelier vraiment en lien avec l'IME. Alors, on avait d'autres idées aussi. Parce qu'en fait, l'objectif du village copain du monde, c'est non seulement que tout le monde passe un séjour inoubliable, parce qu'en effet, on s'en va de ces séjours-là avec des images plein la tête et le cœur un peu gros de quitter tous ses copains. Mais ce qu'on attend, c'est que ceux qui partent fondent des clubs copains du monde et mettent en place eux-mêmes des actions auxquelles ils penseront. Donc, l'objectif du séjour, c'est de leur montrer qu'il y a des tas d'actions assez faciles à mener. Par exemple, celle de respecter l'environnement dans lequel on est. Il y a des papiers qui traînent, il y a des gens qui jettent n'importe quoi, n'importe où. Faire une opération nettoyage dans son quartier, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Et on a voulu mettre ça en place ici à Saint-Étienne, mais tout était propre, donc c'est un petit peu compliqué. On a voulu faire la même chose en forêt, mais la forêt du côté du centre des Tronches, c'est pareil, elle est nickel. Par contre, on a repéré un autre endroit où il y aurait vraiment du boulot. Donc là, on proposera aux enfants de le faire. Alors, c'est pas fait comme une corvée, c'est fait pour montrer, regardez, il y en a qui ont un comportement qui est pas correct, ils rendent notre environnement pas agréable et tout ça. Vous pouvez faire en sorte, d'une part, de ne pas suivre ce mauvais exemple, de vous comporter correctement, et même d'améliorer dans votre quartier s'il y a des choses à faire, tout ça. Donc ça, c'était l'une des actions, et puis il y en a d'autres aussi. Je ne sais plus... Enfin, on a des tas d'idées, mais c'est pas forcément facile à mettre en œuvre, et puis 15 jours, c'est très court lorsqu'on veut préparer un spectacle, mettre des activités sportives, des tas de choses comme ça. En fait, la trame et la cible du séjour, c'est que les gamins soient bien ensemble, qu'ils partagent des moments très heureux et qu'ils repartent avec plein d'idées pour continuer à vivre un peu de cette manière-là. Et globalement, alors c'est vrai que tu l'as dit Sylvie, c'est pas forcément évident d'organiser plein d'événements, mais est-ce que selon toi, peut-être, vu que j'imagine que tu as passé tout ce temps avec les enfants, ils sont réceptifs quand même à ce que tu essaies de leur transmettre ? Ils sont complètement réceptifs, ils sont même tout à fait étonnants dans les réactions qu'ils ont, les commentaires qu'ils font. Et là, je plaisante pas, j'ai pas une parole politique pour dire que tout le monde est beau et que les gamins sont magnifiques. Non, il y a des moments où ils sont pénibles, mais il y a des moments où ils sont bluffants. Ils sont absolument bluffants. Ils sont d'une intelligence et d'une sensibilité aux choses qu'on peut leur dire qui est très émouvante même quelquefois. Et ça, vraiment, il y a des tas de moments et des tas d'exemples où on a l'occasion de le penser. Oui, c'est pas voilà, juste du jeu tout le temps. Derrière le jeu, il y a toujours quelque chose, mais il y a aussi toute cette partie de vie en collectivité, de vie en groupe. Ils vivent ensemble 24 heures sur 24 pendant 15 jours. C'est long. Donc forcément, tout le monde n'est pas copain dès le début. Il peut y avoir des petites embrouilles, des jeunes entre 7 et 14 ans, il y a des petites embrouilles. Le tout, c'est de savoir résoudre ces embrouilles justement avec la parole. Thierry, par exemple, peut nous en parler. Il sait maintenant, il a appris des choses justement là-dessus. Thierry, tu peux peut-être expliquer 2-3 choses là. Tout à l'heure, je me suis disputé avec un collègue, on va dire un collègue, un garçon qui est dans ma colonie. On est parti quand même assez loin avec les mains. Et après, Ludovic il nous a appris à part des autres pour pas nous parler devant eux. Et il nous a fait comprendre que c'est. Il nous a redit c'est quoi les valeurs de ce village, de cette colonie. Et il nous avait dit que la violence, ça sert à rien. Il nous manque de la communication dans ce monde et dans tout quoi. C'est pour ça qu'il y a tout le temps de la guerre, parce qu'il manque de communication. Et après, j'ai. Avec Ludovic et le garçon, on a parlé et on a fait la paix, donc voilà. Vous avez fait la paix, en effet, et vous avez continué à travailler ensemble pour des belles valeurs, des valeurs qui vous sont transmises par, entre autres, Mélanie, Ludo et Sylvie, qui écrivent dans vos cœurs des valeurs qu'il faut respecter. Les prochains qu'on va écouter n'écrivent pas sur les cœurs, mais ils écrivent sur les murs. Ce sont les Kids United, bien entendu, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. D'où nous l'a écrit, car dans la nuit tout s'efface. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous venez à l'instant d'écouter le morceau et la dernière pause musicale même de l'émission On écrit sur les murs de Kids United. Si vous voulez réagir à l'émission comme d'habitude, vous pouvez passer un coup de fil au 03 29 62 40 40 ou nous envoyer un petit message sur notre page Facebook Radio Gémozo, que ce soit interagir avec moi ou avec les invités Mélanie, Ludo, Sylvie, Ethan et Thierry pour le Centre des Tronches et le Secours Populaire qui organise pour demain après-midi, donc mercredi 25 juillet, je crois à peu près entre 14h et 17h d'après les infos qu'on m'a données, vous organisez une fête des enfants à votre centre, le Centre des Tronches, et on a parlé des différents temps forts de la journée, et je voulais qu'on revienne rapidement dessus, Ludo. Ouais, alors en fait, je vais griller un peu l'information, les deux enfants ne sont pas au courant, il y a une petite surprise pour eux aussi demain. J'ai fait venir un magicien professionnel, Clément de Mangel, qui est d'Épinal, qui a ouvert son école de magie il y a quelques années, qui s'appelle Les Petits As. Clément viendra demain faire une représentation de close-up, donc faire des tours de magie à table, présenter ses tours de magie aux enfants avec quatre jeunes de son école de magie, Les Petits As. Il vient bénévolement, voilà, il vient rencontrer nos enfants et essayer de l'apporter lui aussi sa petite part de plaisir aux enfants. Donc c'était la surprise qui vient d'être dévoilée, à l'antenne. Eh bien, on sera très contents de rencontrer Clément de Mangel demain au Centre des Tronches, vu que la fête des enfants est ouverte à tous, hein, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les droits des enfants, passer un bon moment ou échanger avec les différentes personnes, vu que les enfants accueillis viennent de divers horizons. Hein, c'est le principe du village Les Copains du Monde. D'ailleurs, ça y est, j'ai perdu le fil. C'est des choses qui arrivent à l'antenne. On en était, oui, avec la collaboration sur le secours, avec le Secours Populaire qui d'ailleurs est à l'origine de ce village Copain du Monde. Pour les dernières minutes qui nous restent, je pense qu'on va finir par résumer en fait les dernières informations, donner les dernières coordonnées nécessaires, hein, à transmettre. Mais voilà, hein, pour la journée de demain qui est ouverte à tous, hein, spectacle de magie et diverses choses, rencontres encore une fois organisées par le village Copain du Monde, hein, qui a fait des activités solidaires aussi, entre autres, parce que la solidarité, c'est quelque chose d'important pour le secours populaire, tout simplement. Et pour tout le monde, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de solidarité, si on n'est pas attentif aux autres. La solidarité se manifeste de plein de façons. Il y a le respect entre les personnes, il y a le respect pour ce qui nous entoure. On ne fait rien sans... Agir pour la solidarité, c'est vivre dignement. Moi, je voudrais rajouter une chose, c'est que l'année dernière, quand j'étais venue, j'ai vraiment pris conscience du genre des pays qui sont arrivés. Parce que la première et la deuxième année, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est des pays, c'est des gens comme nous, donc je vais plus m'intéresser aux vacances. L'année dernière, j'avais grandi cette année aussi, et j'avais fait des recherches sur Google des pays qu'ils allaient venir. Avant de faire les recherches, je me suis dit, franchement, ça me fait de la peine pour eux parce que où ils vivent, c'est quand même un peu la galère, on va dire comme ça, parce que avec les tremblements de terre, les tornades, toutes les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. Je me suis dit, franchement, ces yeux, pas les morts, mais beaucoup, la tristesse, franchement. Mais quand j'ai regardé les photos sur Google et quand on m'a expliqué surtout les gens qui vivent là-bas, ça m'a vraiment envie d'aller visiter surtout la Guadeloupe, Saint-Martin et Haïti parce que ça a l'air vraiment d'être des pays qui sont vraiment jolis, beaux. Et toi, Ethan? Ben moi, ça m'a vraiment touché ce qu'a dit Thierry parce que je sens que ils supportent les pays, enfin là d'où je viens. Moi, personnellement, je viens de Saint-Martin, tout le monde le sait déjà. Ben, j'étais là quand l'ouragan Irma s'est abattu sur ma petite île. Moi, je trouve que j'ai eu assez de chance parce que moi, il y a juste eu une partie de la toiture, un mur qui est parti je ne sais pas où. Mais une fois que, parce que nous, on est en haut, on va dire, une fois que le jour est revenu et que je suis sortie de ma chambre, quand j'ai regardé dans l'ouverture ce qu'il y avait, j'étais vraiment choquée. Mais après, lorsque j'ai vu qu'il y avait des personnes qui venaient d'autres pays, des hélicos, tout ça, des gens qui venaient pour aider mon île et tout, j'étais vraiment content. Et en plus, là j'apprends que grâce au Secours Populaire, j'ai pu avoir un voyage en France. Alors, j'ai pas été en France depuis très longtemps. Et ça me fait plaisir. Et je voudrais répéter ce qu'elle veut dire, Sylvie. La solidarité, je vais prendre un exemple. Allez, on va dire l'équipe de France. Ils ont gagné la Coupe du Monde grâce à la solidarité, le partage et l'écoute. Ben, c'est ce qu'on essaye de faire vivre aussi aux jeunes qui viennent à la colonie. Et comme a dit Ethan, pour dire que les personnes d'autres pays venaient en hélico, c'est que nous, en fait, un des animateurs des pays qui s'appelle José, il nous avait parlé de se mettre à la place de l'autre, de l'empathie, voilà. Il nous avait parlé d'empathie. Et quand il vient de parler, quand il a parlé, Ethan, je me suis dit, si je serais dans l'hélico, j'aurais sauvé des personnes sans réfléchir. C'est parce que on est dans le même monde. La couleur, la différence, le pays, ça fait rien. On a deux bras, deux jambes quand tout le monde a un cœur. Donc voilà quoi. C'est comme si on était tous frères dans la terre. C'est parce que on vit tous dans une terre. Donc voilà. C'est une si belle phrase, une si belle phrase qui fait une si belle conclusion sur laquelle je pense on va peut-être pouvoir s'arrêter sans en rajouter plus. Parce que je pense que tout a été dit par la bouche d'un enfant, en plus, littéralement. Je pense que par deux enfants, c'est vrai. En plus, je pense que Sylvie, tu dois être contente de voir que ton travail, le travail du Secours Populaire, a porté ses fruits. En tout cas, pour les enfants qu'on a à l'antenne et certainement avec tous les autres enfants bénéficiaires des dispositifs que le Secours Populaire met en place. Et tant qu'à faire, comme on est, ça y est, tout doucement à la fin de l'émission, on va pouvoir rappeler les dernières informations dont les auditeurs ont besoin. Donc, toi, Sylvie, je le disais, tu es de l'antenne Secours Populaire Moselle, c'est ça ? Absolument. Le Secours Populaire a des fédérations dans chacun des départements. Nous travaillons avec le Centre des Tronches parce que le Centre des Tronches était un équipement des éclaireurs qui venait de Moselle. Mais sinon, dans chaque département, il y a une fédération. Toutes les fédérations n'organisent pas des villages copains du monde, même s'il en existe beaucoup. Il en existe 41 de par le monde. Donc donner nos coordonnées, ça servirait pas en gros chose. Il y a une fédération à Épinal, faut plutôt se tourner pour les auditeurs de votre radio sur la fédération des Vosges, je pense. Et en effet, le lien internet de la Fédération Vosgienne du Secours Populaire sera donné avec le podcast de l'émission qu'on rappellera dans quelques instants. Et pour en savoir plus aussi sur le Centre des Tronches, donc il y a la page Facebook Centre EEDF Les Tronches et Tu es Fond, ou sinon votre site internet www.centrelestronches.fr. On a toutes les informations nécessaires. Nous avons aussi une page Facebook. Ah, super. C'est Secours Populaire 57, hein. C'est voilà. À Secours Populaire Moselle, ça y est, je l'ai trouvé. Elle sera aussi identifiée avec le podcast de l'émission. Et comme on a donné presque toutes les informations pour les auditeurs, vous vous en doutez bien, ça va être le moment de faire la programmation de la soirée. Et d'ailleurs, je vois, on va être pile poil dans les clous. Donc la prochaine émission, c'est à 20h. On écoutera Michel pour son émission La Parole est à vous, suivi à 22h de J'ai aimé, je vous le lis de Dominique. Puis de minuit à 1h, la rediffusion de La Bulle de Lia, qui a reçu ce midi Greenpeace. Et sinon, on se retrouvera demain matin de 7h à 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Pour les petits curieux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, l'émission sera en podcast sur notre page Facebook Radio Gemozo, là où toutes les informations nécessaires seront taguées avec le podcast. Ou sinon, il ne faut pas faire de bêtises, Thierry. Elles seront aussi sur notre site radiogemozo.eu, rubrique L'heure des loups, avec encore une fois tous les liens internet nécessaires pour avoir toutes les informations dont vous aurez besoin pour, je le rappelle, la fête des enfants qui a aussi lieu demain, mercredi 25 juillet, dans l'après-midi au centre des Tronches. Hein, tout fait part et pour des enfants. Je pense qu'on a tout dit, surtout avec les six belles phrases que Thierry et Ethan nous ont dit en fin d'émission. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Mais en tout cas, merci beaucoup Mélanie, Ludo, Sylvie, Ethan et Thierry pour votre présence et votre temps. Merci. C'était vraiment très précieux. Merci, au revoir. Au revoir. Et merci aussi aux auditeurs qui sont là, comme tous les soirs, qui sont présents, qui nous écoutent. Enfin bref, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous remercie encore beaucoup de votre attention. En attendant, on se donne rendez-vous demain, même heure. Et bonne soirée à tous sur Radio Gemozo. Au revoir.